إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نعم. donc aujourd'hui on est arrivé au cours 27 dans la lecture du sharh de al-usul al-thalatha du Cheikh Zayd al-Madkhali. On était au dernier cours à la lecture de la preuve que le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah a mentionné au sujet de, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est notre Rabb, c'est notre Seigneur, et qu'il est celui qui nous a donné toutes les grâces, et qui nous a créés, qui nous a formés, et qui nous a fait se développer, et ainsi de suite. Et donc, il a mentionné le verset 54 dans Surat al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne plusieurs points. Il dit, votre Seigneur, ce qui signifie, votre Seigneur est Allah, celui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis il s'est élevé sur le trône. Il couvre la nuit du jour, il couvre le jour de la nuit, et les deux se poursuivent rapidement. Le jour et la nuit, les deux se suivent rapidement. Et le soleil et la lune, de même que les étoiles, sont assujetties à son commandement. La ilaha illahu. Non. La ala lahu al-khalq wal-amr. Ala lahu al-khalq wal-amr. N'est-ce pas à lui qu'appartient le commandement et la création et le commandement ou l'ordre. Tabarakallahu rabbul alamin. Que Dieu soit béni, le Seigneur des mondes. On a expliqué que il y avait 5 points bénéfiques qu'on pouvait tirer de ce verset-là, et il y en a peut-être plus, mais le Cheikh il en a mentionné 5 les plus importants. Et on était arrivé au point numéro 3 au dernier cours, on a expliqué Al-Imanu bi-istiwa illahi ala arshihi. Al-Imanu bi-istiwa ala arsh. La foi en le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur le trône. Puisque Al-Istiwa, terme istawa en arabe, ça signifie ala warkafa'a. Ala warkafa'a. Ça, c'est la signification du terme istawa dans la langue arabe. Et donc, on doit croire que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé sur le trône. Et que c'est une de ses attributs. Et on l'affirme. Ça, c'est la voix de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Que Allah subhanahu wa ta'ala a créé le trône. Et que c'est une de ses créations, sa plus grande créature. Et qu'il s'est élevé au-dessus du trône d'une manière qui convient à sa grandeur, à sa majesté. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Donc on affirme cet attribut à Allah et cette action à Allah subhanahu wa ta'ala de l'istiwa sans faire de ressemblance entre Allah et sa création. Et sans nier la réalité de cet attribut. Et sans comparer la créature au créateur. Et sans faire de déformation de la signification du terme ou de l'attribut. On change pas son sens pour lui donner un autre sens, comme le font les gens de Bid'a parmi les Asha'ira, les Maturidiyya, ou bien les Jahmiyya et les Mu'tazila qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir » C'est-à-dire, il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, et il est l'audient et le voyant. De la même manière qu'on ne peut pas savoir comment est la l'ouïe ou la vue d'Allah Ta'ala, mais on l'affirme quand même, et on ne dit pas qu'il y a une ressemblance entre lui, les créations, et lui d'Allah, ou la vue des créateurs et la vue d'Allah Ta'ala, on dit que c'est différent. La vue d'Allah, c'est la vue d'Allah, la vue des créateurs, c'est la vue des créateurs, et lui d'Allah, c'est lui d'Allah, et lui des créateurs, c'est lui des créateurs. Eh bien, on dit la même chose pour les autres attributs d'Allah aussi, Al-Istiwa et les autres. Que Allah, il a une Istiwa qui lui convient, et les créateurs, s'ils font cette action-là, c'est d'une manière qui leur convienne à eux en tant que créateurs faibles et limités. Hein? Donc, il n'y a pas de comparaison entre les deux. Et le Cheikh dit « Wahiyas min as-sifat allati abtalaha al-mu'abdila al-jahmiya » ونفتها المعتزلة وأولتها الأشاعرة والكلابية والماتريدية ومن والى هؤلاء من أهل التأويل المظلم. Donc, les Jahmiyyah et les Mu'tazila, eux, ont nié carrément cet attribut-là. Ils disent Allah subhanahu wa ta'ala, et il y en a qui disent il est partout. Si tu leur demandes où est Allah, ils disent il est partout. Et ça, c'est une erreur. Et ça, c'est du shirk même, c'est du kufr. Allah, il n'est pas partout par sa personne. Hein? Il est au-dessus de son trône. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. C'est ça la bonne réponse. Que Allah, فوق مخلوقاته. لا نقول كما تقوله المعتزلة والجهمية أن الله في كل مكان. هذه عقيدة باطلة. C'est une fausse aqidah. Donc, il faut comprendre que si on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa huwa ma'akum aynama kuntum » on le dit dans surat al-Hadid, « Il est avec vous là où vous êtes », ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala « huwa ma'ana bi'ilmi »« wa huwa ma'ana bi'sam'i »« wa huwa ma'ana bi'basarihi » Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il est avec nous parce qu'il nous voit, parce qu'il nous entend, parce qu'il sait tout. Donc, il est avec nous de cette façon-là. Mais il est séparé de sa création. Il n'est pas mélangé à sa création. Il n'y a rien de la création en Allah et il n'y a rien d'Allah en nous, dans les créatures. D'accord? Et ça, c'est très très important de comprendre ça. Parce que les, par exemple, les Soufia, ils ont cru en des croyances qui mélangent la création et la créature. Ils disent, par exemple, dans leur aqidah qu'on appelle Wahdatul Wujud, ils disent qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Pour eux, le créateur et la créature, c'est une seule et même chose. Hein? Et ça, c'est la aqidah de Ibn al-Arabi, et de Al-Hallaj, et d'autres également. Et des fois, ils l'appellent Hulul. Et des fois, ils l'appellent Hulul. C'est un autre terme. Au lieu de dire Wahdat Wujud, des fois, il y a un autre terme qui s'appelle Hulul. C'est-à-dire le fait de se dissoudre en Dieu, hein, comme ils l'appellent, dissoudre en Dieu ou des choses comme ça. Il y a aussi Al-Fana, ils utilisent des termes comme Al-Fana, le fait de se dissoudre, de devenir un avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ça, c'est des termes chez les soufis qu'ils utilisent pour expliquer que l'homme peut devenir un avec Allah, ou se mélanger avec Allah, ou que Allah rentre en certaines créatures, ou qu'il se mélange avec toute la création, ou des choses comme ça. Tout ça, c'est du kufr et du shirk. Et les ulama de Ahlul Sunnah, ils ont réfuté ces gens-là, et ils ont mentionné l'égarement qui est présent dans ces croyances-là. Depuis l'époque des salafs, quand ces innovations-là sont apparues au tout début, eh bien, les salafs les ont réfutés. D'accord? Donc, il y a ça. Et puis, donc c'est ça. De ne pas dire que Allah est partout. Il y en a d'autres qui vont dans l'autre sens, parmi les Jahmiyyah et les Mu'tazila, et qui disent Allah est nulle part. Si tu leur demandes où est Allah, ils te disent Astaghfirullah, tu n'as pas le droit de demander où est Allah. Hein? Parce que pour eux, de demander où est Allah, ça implique de dire qu'il est dans un endroit. Et si tu dis qu'il est dans un endroit, ça veut dire que tu l'as limité et que tu as fait ressembler Dieu à une créature, tu lui as attribué une imperfection, et donc ils considèrent que ça c'est kufr et shirk, et ils vont même te déclarer kafir si tu leur demandes où est Allah. Il y en a même qui vont prétendre que tu es un anthropomorphiste dès que tu fais ressembler Dieu à un être humain ou des choses comme ça. Et toutefois, nous, on répond à ça, on dit que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il est tel qu'il s'est décrit lui-même, et la question de demander où est Allah, eh bien, il n'y a rien de mal dans ça, puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a lui-même posé cette question-là à une femme, à une esclave à son époque, et il lui a demandé la question, Ayn Allah, et elle a dit, Istama. Et il a demandé, Waman ana, et elle a répondu, Anta Rasulullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, I'tiqha fa innaha mu'mina. C'est-à-dire, libère-la, car c'est une croyante. Donc ça, c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé de sa réponse. Et qu'il a considéré que c'était une croyante par rapport à la réponse qu'elle a donnée. Et donc, ça, c'est la preuve qu'il n'y a aucun mal de demander où est Allah, même au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et il n'y a rien de mal de répondre également que Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est dans les cieux, c'est sa main. Puisque la femme a répondu cette question-là, elle a répondu à cette question-là en disant que Allah subhanahu wa ta'ala était dans les cieux. Et comme Cheikh Al-Fawzan et d'autres parmi les ulama l'ont expliqué, que quand on dit Fissama, ça peut avoir deux significations. La première signification, yani Al-Ulu. Fissama, du ma'na Al-Ulu, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de nous, tout ce qui est en haut. En arabe, on l'appelle Sama. Hein? Les nuages, on l'appelle Sama. Même la pluie, on l'appelle Sama aussi, en arabe. Quand, par exemple, quelque chose a été mouillé par la pluie, on va dire Asabahu Sama. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vient d'en haut. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Wa nazzalna minas sama'i ma'an » Et tout le monde sait que la pluie, ça vient pas du ciel, ça vient des nuages. Mais parce que les nuages sont en haut, on l'appelle Sama. On dit que l'eau tombe du ciel, hein? C'est bien d'en haut. Et donc, quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est Sama, c'est dans le sens de Al-Ulu, dans le sens qu'il est au-dessus, en haut. Et la deuxième signification de Sama, c'est As-Sama al-Mabniya. Hein? C'est-à-dire les cieux que Allah subhanahu wa ta'ala a créés et qu'il a superposés les uns sur les autres et qui sont sept, qui sont au nombre de sept. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a sept cieux. Et ces cieux-là sont des cieux créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des cieux. Et dans ce sens-là, lorsqu'on dit par exemple, Annallaha fissama, et qu'on désigne par là les cieux qui sont créés, c'est dans le sens de ala sama. Hein? Ala sama. Parce que des fois, en arabe, le fi, il peut être utilisé dans le sens de ala. Ok? Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, fasiru fil ard, fasiru fil ard. Hein? Partez sur la terre, circulez sur la terre, voyagez sur la terre. Ça ne veut pas dire dans la terre, aller rentrer à l'intérieur de la terre. Mais ça veut dire, aller circuler par-dessus la terre, sur la terre. Donc, fi, du ma'na, ala. Hein? Ou bien, il y a un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, la usallibannahu fi juzu'in nakhl. Yani fi, c'est-à-dire, la yusallibannakum fi juzu'in nakhl. On va vous crucifier sur le tronc du palmier, le tronc de l'arbre. Sur le tronc. Mais dans le verset qui est utilisé comme terme, fi, ça voudrait dire dans. Mais c'est fi dans le sens de Allah, c'est-à-dire sur. Et ça, c'est connu dans la langue arabe que parfois certaines prépositions sont utilisées à la place de d'autres de cette façon-là. C'est quelque chose que les Arabes faisaient souvent. Et donc, c'est dans ce sens-là lorsqu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et on ne dit pas comme les Jahmiyyah par exemple ou les Mu'tazila, les autres, que Allah subhanahu wa ta'ala existe sans endroit ou sans place ou choses comme ça. Non, on dit il est au-dessus de cette création, au-dessus de son trône. Et en ce qui concerne le terme endroit ou espace ou des choses comme ça, eh bien, on n'utilise pas du tout ce terme-là pour parler d'Allah, que ce soit en affirmation ou en négation. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'employer des termes qui ne sont pas dans la révélation pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. En disant par exemple, est-ce que Allah a un endroit ou est-ce qu'il n'a pas d'endroit? Est-ce qu'il a une place ou est-ce qu'il n'a pas de place? Est-ce qu'il est yani, dans une direction ou est-ce qu'il n'est pas dans une direction? Et Cheikh al-Islam nous a mis à expliquer à ce sujet-là que de le nier ou de l'affirmer, c'est une innovation. Et si tu l'affirmes, c'est une innovation. Et si tu le nies, c'est une innovation. Dans les deux sens, c'est une innovation parce que tu as parlé à propos d'Allah sans te baser sur une preuve, sans te baser sur une référence. Donc la position d'Ahlul Sunnah wal Jama'a sur à propos des attributs d'Allah de façon générale, c'est d'affirmer dans les, qu'est-ce qui est révélé dans les textes et de nier ce qui est nié par les textes à propos d'Allah. Donc ce qui est affirmé, on l'affirme comme il est affirmé, hein, selon la manière, sans faire de ressemblance entre Allah et sa création, et ce qui est nié par les textes, on le nie. Et ce qui n'est ni affirmé, ni nié, eh bien on le nie pas et on ne l'affirme pas non plus. Et, yani, on s'abstient d'en parler, d'avancer sur ces aspects-là qui ne sont ni affirmés, ni niés. Comme par exemple le terme « espace ». Hein? Et ça, c'est les termes des gens de kalam, ce qu'on appelle « ahlul kalam ». Et c'est les gens qu'on appelle « ahlul kalam » sont ces sectes-là. C'est les gens qui rentrent dans la philosophie pour parler de Dieu, qui se basent sur la philosophie grecque, ou la logique grecque, les idées de Platon ou d'Aristote, de ces gens-là, qui parlent de Dieu en essayant de se baser uniquement sur qu'est-ce qu'ils appellent la raison et qui laissent de côté les textes du Coran et de la Sunna. D'accord? Donc, avec ces gens-là, beaucoup de déviations sont apparues dans la Ummah et beaucoup de sectes sont sortis à cause de ceux-là. Parmi eux, ceux-là. Parmi ces sectes, celle-ci. La secte des Jahmiya, des Mu'tazila, des Asha'ira, des Maturidiya, des Kullabiya, et ainsi de suite. Tout ça, ces gens-là ont fondamentalement des problèmes par rapport aux attributs d'Allah, aux attributs divins. Et, comme on a dit, donc, on ne va pas dire, s'ils nous demandent, est-ce que Dieu est dans un espace, ou est-ce qu'il n'est pas dans un espace, on ne dit pas qu'il est dans un espace, et on ne dit pas qu'il n'est pas dans un espace. Hein? On se limite à dire ce que Allah a dit dans le Coran. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est au-dessus de son trône, donc nous on dit qu'il est au-dessus de son trône, et on n'essaie pas de chercher le commun ou la description ou des choses de ce genre. Et c'est pour ça même, Ibn Taymiyyah, elle a dit, on rejette l'utilisation ou l'emploi de ces termes, innover, parce que ça ne fait pas partie de l'islam, ça ne fait pas partie de la religion. Sauf qu'on peut demander à la personne qui utilise ce genre de termes, qu'est-ce qu'il veut dire par ce terme? Et ce qu'il va nous donner comme définition ou comme explication, si c'est une explication ou une signification qui est vraie, parce qu'elle est en accord avec le Coran et la Sunna, on va l'accepter. Mais si c'est une signification qui est fausse, parce qu'elle implique un défaut ou une imperfection à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là on va le renier. Comme par exemple, si on leur demande, par exemple, qu'est-ce que vous voulez dire par espace? Hein? Est-ce que Dieu est dans un espace? Vous voulez dire quoi par là? S'ils veulent dire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, séparé de sa création, parce qu'alors on va dire oui, ça c'est vrai. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce sens-là, il est au-dessus de son trône. Mais il ne faut pas utiliser ce terme parce qu'il est ambigu. Les ulama disent, hada, yani, hada lafd mujmal. Hada lafdun mujmal. C'est-à-dire qu'il peut vouloir dire quelque chose de vrai, comme il peut vouloir dire quelque chose qui est faux en même temps. Et donc, ça crée une ambiguïté. Ça crée quelque chose d'équivoque. Et donc, on ne doit pas l'utiliser pour parler d'Allah. La même chose si on leur demande, qu'est-ce que tu veux dire par espace? Et il te dit, je veux dire par là, un endroit hein, qui est créé et limité. Donc, dans ce cas-là, nous, on va dire, si tu veux dire ça, à propos de l'espace, que tu dis que tu veux nier ça d'Allah parce que tu veux dire Allah n'est pas limité par un endroit qu'il a créé, mais ça oui c'est vrai, parce que Allah c'est lui qui enveloppe toute sa création et au jour de la résurrection il va fermer les cieux et la terre et les plier dans sa main droite. Il se trouve qu'Allah, il est plus grand que tout, il enveloppe tout. Il n'y a rien qui peut le cerner. Hein? Donc, si c'est ce sens-là qu'ils veulent donner, alors on le dit. Mais on leur rappelle en même temps que d'utiliser ce genre de termes, c'est une bid'ah. Et ils utilisent ces termes-là, en fait, c'est pour faire de la philosophie, hein, pour philosopher avec les noms et les attributs d'Allah, et pour parler à propos d'Allah de cette façon-là, pour mélanger les gens, pour leur créer des shubuhat dans leur compréhension d'Allah, et pour les dévier. Non, Allah est au-dessus des trônes, les trônes sont au-dessus des sept cieux. Même on a posé la question à l'imam Abu Hanifa. On a posé la question à l'imam Abu Hanifa, à propos de celui qui dit qu'il ne sait pas si Allah est au-dessus du trône ou non. Et l'imam Abu Hanifa, il a dit qu'il est kafir, celui-là. Si Allah a dit Ar-Rahman wa al-Arsh istawa. Et il a dit, ok, il dit que Allah est au-dessus du trône, mais il ne sait pas si le trône il est au-dessus des sept cieux, ou bien si le trône il est sur la terre. Il a dit, il est kafir lui aussi. Hein, parce que c'est clair que le trône il est au-dessus des sept cieux, au-dessus de la création. Et que Allah est au-dessus du trône. Il s'est mentionné dans les livres de Aqida, cette citation-là, elle est très célèbre. Donc il y a beaucoup d'exemples de ce genre de citations des salaf, comme l'imam Ibn Abdul Barr, il en a parlé, l'imam Abdullah Ibn Mubarak avant lui aussi, et plusieurs d'entre les imams des salaf, comme Al-Awza'i et d'autres. Yani Baytullah, c'est une création d'Allah, c'est la maison d'Allah. Et les choses qu'on affirme ou qu'on attribue à Allah sont les deux choses. Sifat, les sifat c'est des deux attributs, et Aryan. Aryan, ça veut dire des choses qui existent par elles-mêmes. Donc si c'est une chose qui n'existe pas par elle-même, on dit que c'est une attribut. Et si c'est quelque chose qui existe par elle-même, on dit que c'est Aryan, yani c'est une chose que Allah s'attribue à lui-même pour l'honorer. Comme par exemple, Baytullah, Ruhullah, Naqatullah. Hein? Ça, c'est des choses, on ne dit pas que c'est des attributs d'Allah. C'est des choses que Allah a créées, qui ne font pas partie de lui, mais que Allah a mentionné comme lui appartenant pour les honorer. Hein? La même chose pour donc si on dit par exemple Sam'Allah, Basarullah, Ilmullah, ça c'est des choses, elles ne peuvent pas exister toutes seules, indépendantes de quelque chose. Donc ça c'est des attributs. L'ouïe d'Allah, la vue d'Allah, la science d'Allah. Et on ne peut pas trouver une science toute seule qui flotte dans les airs, comme ça. Ou une ouïe, ou une vue qui est là tout seul. Non, il faut que ce soit attribué à quelque chose. Donc ça, c'est un attribut. Mais si c'est quelque chose qui existe tout seul, séparément, donc il n'y a pas besoin d'être attribué à quelque chose, dans ce cas-là, on dit que c'est un attribut d'Allah. Donc, pour continuer, donc, par la suite, donc il y a donc, ces gens-là qui ont dévié. Et les Asha'ira et les Maturidiyah, et les Kulabiyah, eux aussi, ils ont dévié dans ce sens-là. Hein? Et le cheikh il donne ici en note de bas de page, il dit Al-Kullabiyya hum ashabu Abdullah ibn Kullab Tufiya am au sanat 240 Infarada huwa wa firqatuhu bi an qalu laysa lillahi masmu' laysa lillahi kalamun masmu' wa anna Jibril laysa yasma'u min Allah shay'an mimma adahu ila rusulihi عليه السلام وإنما هو إلهام ألهمه ذلك من غير كلام. الماتريدية نسبة إلى محمد أو نسبة إلى محمد بن محمد بن محمود المعروف بأبي منصور الماتريدي السمرقندي وقد توفي سنة 333 وهم طائفة وافقت الأشاعرة في أمور وخالفتها في أخرى معدودة من فقهاء الحنفية وما كان له أتباع في أول أمره وإنما أحيا مذهبه بعض أتباعه بعد مدة طويلة من وفاته حتى انتشر مذهبه. أي نعم. Donc Al-Kullabiya, Cheikh, il mentionne que c'est les gens qui ont suivi Abdullah ibn Kullab qui est mort en 240. Donc 240 ans après, il est mort en 240 ans après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a ramené cette aqida qu'il a inventé. Et eux, ils disent quoi? Ils disent que la parole, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de parole audible. Et que Jibril n'a rien entendu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il a transmis au messager. C'est uniquement une inspiration qui lui est inspirée. Sans parole. Et ça, c'est une bid'ah, parmi les bid'ah. Vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle. Il a une parole. Et il a parlé, à Jibril. Et Jibril a entendu sa parole. Et il l'a transmise au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il l'a entendu d'Allah. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a entendu de Jibril. Et il l'a transmise à ses sahaba, tel qu'il l'a entendu de Jibril directement. Donc c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas la parole de Jibril. Et c'est pas la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Mais, yani, les gens de Bid'ah, ils comprennent pas ça. Parce qu'ils n'affirment pas une action à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole, ils ne l'affirment pas non plus. Et donc, par exemple, ils disent que qu'est-ce qui est dans le mushaf? Ils disent que c'est pas le Coran. Hein? Ce qui est écrit dans le mushaf, ils disent que c'est pas le Coran. Hein? Comme Yusuf Estes, ce qu'il a raconté. Il dit que le Coran, le mushaf, c'est pas le Coran. C'est faux. Le mushaf, c'est le Coran. Et c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est, yani, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a été retranscrite, telle qu'elle, comme elle a été entendue d'Allah par Jibril, et par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de Jibril, qui l'a transmis à sa ummah. Et, le fait que, par exemple, ce soit écrit, hein, ou que ce soit dans la récitation de quelqu'un, ou que ce soit mémorisé dans le cœur, c'est toujours le Coran. C'est comme si, par exemple, j'écris une lettre, hein, je prends une feuille, et j'écris une lettre. Ou bien, disons, je te donne la lettre, je te donne la feuille avec un stylo, et je te dicte la lettre. Je te dis, écris tout ce que je te répète. Et là, tu écris. Hein? Commence à écrire. Là, je te dis maintenant, va voir par exemple un autre frère qui est dans une autre ville et tu lui lis ma lettre. Tu lui lis ce que j'ai dicté. Hein? Et lui, il prend cette lettre que j'ai dictée et il lui lit cette lettre que j'ai dictée. Est-ce que ce qu'il lit, c'est ses paroles à lui ou c'est mes paroles à moi? C'est mes paroles à moi, parce qu'il est en train de réciter ou de lire qu'est-ce que moi je lui ai dicté. Donc c'est mes paroles qu'il lit, c'est pas ses paroles à lui. Eh bien le Coran, c'est la même chose. Quand tu récites le Coran, tu récites les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des paroles qui ont été retranscrites, et c'est les paroles d'Allah. C'est pas les paroles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou de Jibril. Tandis que les Asha'ira, les Maturidiyya, eux, ils disent non, c'est pas la parole d'Allah, c'est la parole de Jibril. C'est la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'ils disent que le Coran, ils disent que le Coran, pour nous, c'est pas la parole d'Allah. Ils disent c'est ibaratun an kalamillah. Ou bien ils disent hikayatun an kalamillah. C'est une expression de la parole d'Allah. Et ils disent que c'est impossible d'entendre la parole d'Allah, que c'est inaudible. Hein? Alors qu'il y a des hadiths clairs qui mentionnent que Allah subhanahu wa ta'ala, on va l'entendre au jour de la résurrection, il va s'adresser, il va parler à la création. Et tout le monde va l'entendre. Dans Sahih al-Bukhari. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, il dit dans le surat Tawbah, il dit وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. الله سبحانه وتعالى إذا القرآن في عذر للمشركين يعني تدمان تا بروتكسيون تدمان تا بروتكسيون alors protège-le jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah et ensuite amène-le à son endroit où il veut aller. Donc c'est pour dire que Allah dit jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, il va entendre des musulmans réciter le Coran. Et c'est ça la parole d'Allah. Donc c'est la preuve que le Coran est la parole d'Allah. C'est pas la parole de quelqu'un d'autre. Donc ça c'est des exemples de déformation des sens des attributs d'Allah, comme les Kullabiyya et les Maturidiyya et les Asha'ira. Et ces sectes-là, c'est pas des sectes qui existaient dans le passé et qui n'existent plus aujourd'hui. C'est des sectes qui existent aujourd'hui, qui enseignent ces croyances-là dans leurs livres, qui est propagé dans des universités, même dans les pays musulmans. Et il y a des gens qui écrivent des thèses, doctorats pour supporter ces fausses croyances-là, qui sont en opposition avec la croyance d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. Et si tu vas à l'Azhar, ou tu vas à d'autres universités dans le monde, tu vas trouver des gens qui enseignent cette aqidah des Asha'ira. Et ils pensent que c'est la bonne aqidah, que c'est la aqidah d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. Alors que non. Puisque là, cette aqidah est apparue seulement 300 ans après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant ça, elle n'existait pas. C'est pas la aqidah des sahaba, c'est pas la aqidah des tabi'in, c'est pas la aqidah des tabi'in. La même chose, comme on dit, elle est apparue bien longtemps après, avec Abu al-Hassan al-Ash'ari. Abu al-Hassan al-Ash'ari, qui est né en 260. Il est né en 260 et il est mort en, je pense, en 310 ou en 320 de la Hijra. Et sa croyance, elle ne s'est pas propagée, elle n'est pas commencée à devenir une secte, sauf environ vers l'an 500. Et ça a pris du temps avant que ça devienne une secte, parce qu'il y a des gens qui ont été, qui avaient une influence, qui étaient des dirigeants, qui ont adopté cette croyance, et c'est eux qui l'ont propagée, et qui l'ont imposée. Donc, c'est pour ça que ça s'est propagé. Et même à l'époque, par exemple, dans le nord de l'Afrique, comme le Maghreb, ce qu'on appelle le Maghreb aujourd'hui, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Andalousie, ces endroits-là, la Mauritanie, la croyance qui régnait là-bas, c'est la aqidah d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah qui était propagée dans ces endroits-là. Ce qu'on appelait les Mourabitoun, ils étaient tous pour la aqidah d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. Et c'est après que un d'entre les Asha'ira est venu dans le nord de l'Afrique, qui s'appelait Ibn Tumar. Vous avez entendu parler de Ibn Tumar. C'est lui qui est allé étudier avec Al-Ghazali en Orient. Al-Ghazali, c'est Ash'ari, Sufi Ash'ari. Et quand il est revenu en Afrique du Nord, il a commencé à imposer à tout le monde, à chaque fois qu'il arrivait dans un village avec l'armée, eh bien, il a imposé à tout le monde de croire à la aqidah des Asha'ira, sinon il les tuait tous. Et à cause de ça, donc, la aqidah des Asha'ira s'est propagée partout, dans le nord de l'Afrique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu vas par exemple au Maroc, ou dans d'autres pays, eh bien tu vas trouver que ces gens-là, ils disent, nous on est des Asha'ira. Et ils disent qu'ils sont Asha'ira. Pourquoi? À cause de ceux qui ont suivi Ibn Tumar et qui ont imposé cette aqidah là partout. Mais sinon, à la base, ils étaient sur la aqidah de l'imam Malik et la aqidah de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Lui, il affirme les imprécis dans Ar-Risala, dans l'introduction. Et la même chose, la aqidah de l'imam Ibn Abdul Barr, qui était aussi un des imams d'Ahl-Sunnah parmi les Malikiyya. Et qui était sur la aqidah des salafs. C'est après que ce qu'on appelle les Mouahidoun, c'est eux qui ont ramené la aqidah Ash'ariya dans le nord de l'Afrique, par l'épée, par la force, qui ont forcé tout le monde à croire en cette aqidah-là, sinon ils étaient exécutés et tués. Donc aujourd'hui, quand tu vois des gens qui se disent Asha'ira, qui sont Malikiyya, nous on est Malikiyya, puis on est Asha'ira, là ils disent, ça c'est en contradiction avec la aqidah de l'imam Malik. vous prétendez suivre l'imam Malik dans le fiqh, mais dans l'aqidah, vous ne suivez pas l'imam Malik. Parce que l'aqidah de l'imam Malik, c'est l'aqidah des salaf, l'aqidah d'Ahl Sunnah. C'est la même chose pour les Shafi'iyah. Tu vois, les Shafi'iyah aujourd'hui, ils disent, nous on suit le fiqh de l'imam Shafi'i. Mais pourtant, ils suivent l'aqidah d'Abdul Hassan al-Ash'ari. Hein? Ils ne suivent pas l'aqidah de l'imam Shafi'i. D'ailleurs, Al-Shafi'i est né presque un siècle avant Abdul Hassan. Donc, comment il pourrait être sur l'aqidah des Ash'ariyah? La même chose pour l'imam Malik. L'imam Malik était avant l'imam Al-Shafi'i. L'imam Al-Shafi'i était l'élève de l'imam Malik. Donc, comment il aurait pu être Ash'ari? Il est mort avant même que Al-Ash'ari soit né. Hein? Et encore plus pour l'imam Abu Hanifa, la même chose. Yani, l'imam Abu Hanifa, il est mort avant. Quelle année exactement, mais dans le deuxième le siècle, yani 100 et quelques. Il est mort dans les 100 et quelques. Donc ça veut dire que il est né presque 100 et quelques années, ou même 200 ans avant Abu Mansour al-Maturidi. Et les Hanafis aujourd'hui sont sur la aqidah de Maturidi, hein, dans les noms et les attributs d'Allah, et ils défendent le sens des attributs d'Allah. Est-ce que c'était l'aqidah d'Abu Hanifa? Non. Puisque, yani, il affirmait les attributs d'Allah. Et on a les livres qui renferment l'aqidah de ces imams-là, et qui mentionnent leur position et leur croyance. Donc on sait que leur croyance était en contradiction avec l'aqidah des Asha'ira par la suite. Donc aujourd'hui vous avez par exemple les Ahbash qui disent nous on est Shafi'iyya, puis on ne croit pas on est sur la aqidah de Abu al-Hassan al-Ash'ari. On dit vous avez menti, vous n'êtes pas sur la aqidah de l'imam, vous n'êtes pas sur la aqidah de l'imam Shafi'i. Vous n'êtes pas des Shafi'iyya pour de vrai. Parce que l'imam Shafi'i n'était pas sur la aqidah de Abu al-Hassan al-Ash'ari. Et même Abu al-Hassan al-Ash'ari, à la fin de sa vie, les imams ont rapporté qu'il s'est repenti, qu'il a abandonné la aqidah qu'il avait suivie de Ibn Mansour. Déjà, Abu al-Hassan al-Ash'ari, c'est une personne qui était dans sa vie, qui a passé par plusieurs stades. Parce qu'il est né, en 260, comme j'ai dit, il a grandi avec son beau-père, le mari de sa mère, qui était le chef de la secte des Mu'tazila à cette époque-là. Pendant 40 ans, il était Mu'tazili. Il niait les attributs d'Allah au complet. Puis c'est après ça, vers l'an 300, qu'il s'est repenti, qu'il a quitté la secte des Mu'tazila et qu'il est rentré dans la voix de Ibn Kullab. Hein, comme on l'a dit, c'est Abdullah Ibn Kullab qui est mort en 240. Il a pris cette voie-là pour établir sa aqidah par la suite. Parce que Ibn Kullab, c'était quelqu'un qui affirmait quelques attributs d'Allah, mais qui niait les autres, qui les déformait de leur sens, et qui prétendait suivre la sunna. Tu vois? Donc, il voulait mélanger la voix des Mu'tazila et la voix des Ahl al-Sunnah et mélanger les deux ensemble. Donc, il dit, on va utiliser un peu de logique, de la philosophie, puis en même temps, on va affirmer les attributs. Et on va se baser sur les textes. Donc, on va joindre les deux ensemble. Et ils ont ramené une nouvelle bid'ah qu'on appelle al-Kullabiyya. Et c'est ça, aujourd'hui, que les gens qui se disent Ash'ari, c'est ça qu'ils suivent. C'est pas la voix de Abu al-Hassan qu'il a pris à la fin de sa vie. Parce que Abu al-Hassan, à la fin de sa vie, il a dit, je reviens à la aqidah d'Ahl al-Sunnah, la aqidah de l'imam Ahmad ibn Hanbal. D'accord? Et c'est là que, il a été, disons, reconnu comme faisant partie des gens d'Ahl al-Sunnah. Wa alaykum salam. Mais, comme on l'a dit, les gens d'aujourd'hui qui se disent Ash'ari, ils ne suivent pas cette voie-là, la voie de l'imam Ahmad, ils suivent la voie de Ibn Kullab. Youssef, tu avais une question. As-salat wara'ahum ja'iza. يعني يجوز الصلاة وراء المبتدعه عموما يعني لعلماء اهل السنه quand on leur a posé la question est-ce que c'est permis de prier derrière les gens de bid'ah Et les ulama d'Ahl al-Sunna ont dit oui, c'est permis de prier derrière les gens de Bid'a. Et ceux derrière qui on n'a pas le droit de prier, c'est ceux qui, leur Bid'a est devenue pour le shirk akbar, mukhrij min al-millah. Ceux-là, tu ne peux pas prier derrière eux. Mais si c'est une Bid'a qui ne fait pas sortir de l'islam, comme la Bid'a de. Il y a certaines Bid'a du Soufiya ou des Asha'ira ou de ces gens-là, ça, c'est permis de prier derrière eux. C'est permis de prier derrière eux. Mais est-ce que tu as le choix, est-ce que tu vas prier derrière eux ou derrière des gens d'Ahl al-Sunnah? Qu'est-ce qui est mieux, c'est de prier derrière les gens d'Ahl al-Sunnah. Mais dans une situation où tu n'as pas le choix, hein, je veux dire, dans ce cas-là, tu pries derrière l'imam de la mosquée. Ici. Il y a des fatwas des imams, des salafs à ce sujet-là, et ils ont dit, oui, il n'y a pas de problème, je suis pris derrière un muqtadir, et derrière quelqu'un qui est sur une secte, une bid'a, et qu'il y a une bid'a qui n'est pas muqtadira, hein, naam. Donc c'est ça. Ça, c'est la position de Ahl al-Sunnah là-dessus. Parce que l'imam, il a une bid'a, c'est sa bid'a à lui. Soit tu pries en jama'a pour avoir la récompense de la jama'a. Et quand la prière est finie, tu ne t'assois pas avec lui. Tu t'en vas chez toi. Donc ça, c'est la position d'Ahl al-Sunnah en jama'a là-dessus. Passons maintenant aux autres points de ce qui est mentionné dans cette surah, dans cette ayah plutôt. Al-fa'idat al-rabi'a. أن هذه المخلوقات العظام مسخرات بأمر الله تجري بأمره جعل الله لها حدودا وجعل لها مقادير وجعل لها أفلاكا تسير فيها وفق أمر الله الذي قدره وقضاه ولذا قال الله سبحانه وتعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وهكذا النجوم والكواكب السيارة والنجوم الثابتة طلوعها وغروبها وأمكنتها تجري بأمر الله وبتصريف الله لها حتى ينتهي أمرها بذهاب هذه الحياة. Donc le Cheikh explique que comme point bénéfique, le point numéro 4, c'est que ces créatures, ces grandes créatures d'Allah, le soleil, la lune, les étoiles, les astres, tout ça, c'est assujetti au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tajri bi amrihi, c'est-à-dire, elles circulent selon l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a prédestinées et qui décrète comment elles se comportent. Et le Cheikh il dit, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 40, dans surat Yasin, la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa la al-layl sabiq an-nahar. C'est-à-dire que la lune ne peut pas dépasser le soleil, la nuit ne peut pas dépasser le jour. Chacun circule dans un orbite bien précis. Et les étoiles, donc ça c'est les étoiles et les astres. Les étoiles et les astres, c'est la même chose. Et l'endroit où elles se lèvent, l'endroit où elles se couchent, et l'endroit de la manière dont elles circulent, tout ça c'est par l'ordre d'Allah et le commandement d'Allah. Et tout ça va terminer lorsque la vie va être terminée, à la fin du temps, à la fin du monde. Le point numéro 5, al-fa'idatul khamisa, anna al-amra wal-khalq, لله تبارك وتعالى له الأمر يأمر بما يشاء وأعظم ما أمر به طاعته وأعظم ما أمر الله به طاعته وأشرف الطاعات وأساسها توحيده وله الأمر المطلق يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء كل ذلك رحمة بالعباد وتزكية لهم وتطهيرا لنفوسهم وقلوبهم وابتلاء واختيارا كما قال الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Donc le point numéro 5 parmi les points bénéfiques de cette ayah, c'est que Allah Ta'ala c'est à lui qu'appartient l'ordre et la création. Et Allah Ta'ala, donc, il ordonne ce qu'il veut, et le plus grand de tous, de tous les ordres d'Allah, c'est d'ordonner son obéissance. Hein? Et les actes d'obéissance, et parmi les plus nobles et les plus importants, et la fondation et le fondement de l'adoration et des actes d'obéissance, c'est le tawhid. C'est le plus important. Et c'est à Allah également qu'appartient le commandement absolu, et il ordonne ce qu'il veut, et il interdit ce qu'il veut. Et tout ça, c'est par miséricorde pour ses serviteurs. Hein? Et c'est dans le but également de les purifier, de purifier leur cœur et de purifier leur âme, et également de les éprouver, de les mettre à l'épreuve et de les tester. Donc Allah, il fait tout ça pour nous tester. Et c'est le verset 7 dans Sourate Hud dans lequel Allah dit « لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا » C'est-à-dire pour vous tester et pour vous éprouver lequel d'entre vous sera meilleur en œuvre. Hein? Et il dit « وَكَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا » أي أخلصه وأصوبه. C'est-à-dire pour voir lequel d'entre vous, il a créé la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve, pour vous tester, pour savoir lequel d'entre vous sera meilleur en œuvre. Il explique que meilleur en œuvre, ça veut dire lequel d'entre vous sera plus sincère et plus correct dans ses œuvres. Et les ulama ont expliqué que plus sincère, c'est-à-dire plus pur, avec plus d'ikhlas, que ses œuvres vont être faites avec sincérité uniquement pour le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et pour plaire à Allah, et que ses actions ne seront pas mélangées avec du shirk. Hein? Donc, akhlas wa hu, c'est dans ce sens-là, dans le sens qu'il n'y aura pas de shirk dans tes adorations, et qu'elles seront faites uniquement pour le visage d'Allah, pas pour rien d'autre. Et aswabahu, c'est-à-dire qu'elles soient faites en accord avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est les deux conditions pour que nos œuvres soient acceptées d'Allah. Qu'elles doivent être faites avec ikhlas, avec pureté, avec sincérité, qu'elles ne soient pas faites avec du shirk, ni avec du riya, et qu'elles soient également faites en accord avec l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna. Et il dit « وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ » Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le verset 35 dans Sourate Al-Anbiya, « Et nous allons vous éprouver par du mal et par du bien, pour vous tester. Hein? وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ » Et c'est vers nous que vous allez être ramenés. Ça veut dire qu'on est éprouvé par du bien, comme on est éprouvé par du mal. Et donc, il y en a des hommes, des gens qui pensent que si un bien leur arrive dans cette vie, qu'ils ont de l'argent, un travail, de la santé, hein, ou quelque bien quelconque, ils pensent que ça veut dire que, yani, Allah les a bénis. Que c'est un bien pour eux. Et il y en a qui pensent que si tu es malade, que tu es pauvre, que tu es faible, que tu es fatigué, que tu es blessé, que c'est un accident, ou qu'il y a de la mort, hein, ou des choses comme ça, que ça c'est une punition, que c'est un mal que Allah te donne. Et la réalité c'est que non. Allah peut t'éprouver par du bien, et il peut t'éprouver par du mal. C'est-à-dire qu'il peut punir quelqu'un en lui donnant du bien, hein, et que la personne pense que ça y est, Allah l'aime, Allah est satisfait d'elle, et elle continue à faire des péchés, à désobéir à Allah, comme si rien n'était. Hein. Et il y en a d'autres qui sont punis par des difficultés, par de la maladie, par des accidents, par des faiblesses, par des pertes d'argent, par des choses de ce genre. Et pour d'autres, ça peut être le contraire. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne de la difficulté dans ta vie pour te récompenser, pour te prévenir de quelque chose de mauvais pour toi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala savait que si toi tu allais être riche, que tu allais avoir beaucoup d'argent, que tu allais avoir de la santé, que tu allais avoir beaucoup de bonnes choses, que tu allais l'utiliser pour désobéir à Allah, et que tu allais t'égarer à cause de ça. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il te restreint dans tes biens ou dans ta richesse pour te garder toujours dans le bien. Tandis que pour l'autre, s'il était pauvre, il n'allait pas être patient, il n'allait pas être capable d'être endurant. Et Allah sait que ce serviteur-là, il a cette faiblesse, qu'il n'est pas capable de supporter la maladie ou la pauvreté ou des choses comme ça. Eh bien, Allah, à la fois, pour son bien, il lui donne de la richesse. Mais ça ne veut pas dire que tu as du bien, que tu es bien, mais ça ne veut pas dire que tu as du mal, que tu es mauvais. Des fois, ça peut être le contraire, et tout dépend de ton attitude et de ta foi et de tes actions. Si quand il t'arrive un mal, tu es reconnaissant et tu reconnais que ça vient d'Allah et que tu es patient, que tu endures et que tu dis « Qaddar Allah ou ma sha'a fa'al » Donc c'est Allah qui me l'a prédestiné, c'est Allah qui fait ce qu'il veut. Hein? Et tu fais preuve de patience, c'est un bien pour toi. Et Allah t'enlève des péchés pour ça. Tandis que si tu as un bien, de la richesse, de l'argent, et que tu n'es pas reconnaissant, que tu es ingrat envers Allah, et que tu l'utilises pour faire le haram, et que tu deviens encore plus entêté dans qu'est-ce que Allah t'a interdit, alors ça, c'est pas un bien pour toi, puisque ça t'éloigne encore plus d'Allah. Donc, il ne faut pas penser de la façon simpliste et matérialiste des gens, comment ils pensent. Ils disent, nous, on est puissants, on est forts. Regardez les croyants, par exemple, qui ont plein de puissance matérielle, de richesse et de bien. Et regardez, par exemple, certains pays musulmans qui vivent dans la pauvreté et dans la faiblesse. Si c'était par la richesse matérielle qu'on déterminait qui était sur la vérité et qui était sur le faux, eh bien on dirait dans ce cas-là, les croyants sont sur la vérité parce qu'ils ont plus de bien que nous, plus de richesse que nous, plus de pouvoir que nous, plus de puissance que nous. Mais c'est pas comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala juge. Et Allah veut que parfois les croyants soient forts et parfois il veut que les croyants soient faibles pour les éprouver. Quand les musulmans sont forts, qu'est-ce qu'ils font avec cette force? Qu'est-ce qu'ils font avec cette puissance? Qu'est-ce qu'ils font avec cette science? Qu'est-ce qu'ils font avec cet avancement? Est-ce qu'ils l'utilisent dans l'obéissance d'Allah, dans le bien, ou bien le contraire? Et la même chose, les plus forts, eux, ils sont plus forts, que les musulmans deviennent faibles, est-ce que les musulmans vont être patients? Est-ce qu'ils vont être endurants? Est-ce qu'ils vont être unis? Est-ce qu'ils vont être fiers de leur foi? Est-ce qu'ils vont dire, on croit en Allah, peu importe la situation, est-ce qu'ils vont commencer à dire, ah, mais moi je veux être avec les forts, et je veux pas être avec les faibles, donc je vais quitter l'islam, ou je vais abandonner la foi pour être avec les kuffars parce que c'est eux qui sont forts maintenant. Hein? Et il va faire partie du nombre des munafiqins, parce qu'il voit que les croyants sont humiliés, et lui il veut pas être humilié, ou des choses de ce genre. Hein? Donc, tout ça c'est pour nous tester, c'est pour nous mettre à l'épreuve. Allah, il nous donne la victoire et des fois il nous donne des défaites. Il nous donne la force, des fois il nous donne la faiblesse. Tout ça c'est pour nous tester. Hein? Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Le Cheikh il dit ensuite, « Izan, fallahu huwa alladhin farada bil khalq, fa khalaqa makhlouqatihi, biduni mu'ilin wala zahirin, wa razaqa jami' makhlouqatihi, biduni mu'ilin wala zahirin. » وله الأمر كله ويأمر بما يشاء ويحكم بما يريد لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. Donc le Cheikh il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le seul qui a tout créé et il a créé ses créateurs sans avoir quelqu'un pour l'aider et sans support. Il a créé tout seul et il donne à toutes ses créatures sa subsistance, sans avoir personne pour l'aider à le faire et sans avoir aucun support. L'ordre et le commandement appartiennent à lui entièrement et au complet. Et il ne partage rien de ça avec quiconque et avec quoi que ce soit. Il ordonne ce qu'il veut et il décrète ce qu'il veut et personne ne peut contester son jugement ou venir contester ou répliquer derrière son jugement. Et il est rapide en jugement, rapide en compte. تبارك الله رب العالمين يعني وفي ختام هذه الآية الكريمة أثنى الله على نفسه ونزه نفسه بقوله تبارك الله رب العالمين أي تنزه وتعاظمه وكثر خيره وبركته لأنه رب العالمين الخالق للعالمين المالك للعالمين المتصرف التصرف المطلق في عالم السماء وفي عالم الأرض وفي جميع مخلوقاته سبحانه بما يشاء وبما يريد فله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله لا إله إلا هو لا إله يعني لا لا إله إلا هو خالق كل شيء لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وبكل شيء عليم. Donc le cheikh explique à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit تبارك الله à la fin du verset تبارك الله رب العالمين que soit béni Allah le Seigneur des mondes. À la fin donc de ce verset, Allah se glorifie lui-même et fait ses éloges à lui-même et se purifie lui-même en disant que soit béni Allah subhanahu wa ta'ala, que soit béni Allah, le Seigneur des mondes. C'est-à-dire qu'il soit purifié et qu'il soit exalté. Et yani, pourquoi? Parce que yani, quand on dit tabaraka, c'est comme si on dit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est la source de la bénédiction, c'est la source de la baraka. Et que yani, par le fait de mentionner ce nom-là, par le fait de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, le bien est augmenté, hein, et la bénédiction est présente. Donc, il y a plus de bien lorsque on mentionne le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est parce que son nom est béni. Et c'est parce qu'il est béni. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, Tabarakallahu Rabbul Alamin, que soit béni Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Pourquoi? Parce que c'est lui le maître des mondes, le créateur des mondes, le roi des mondes, celui qui possède tout dans l'univers. Celui qui contrôle tout et qui gère tout de façon absolue dans le monde des cieux, dans le monde de la terre et dans toute la création au complet sans exception. Tout se passe selon ce qu'il veut lui, selon sa volonté à lui et selon son choix à lui. Et c'est à lui qu'appartient toute la louange, toute la gloire, toute la bénédiction, toutes les éloges et toute la bénédiction. Et c'est en lui, en sa main, que tout le bien est entre sa main à lui, et c'est à lui que revient tout le commandement et tout l'ordre. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Il est le créateur de toutes choses et il est garant de tout. C'est lui qui est garant de toutes choses et il a la science de toutes choses, hein? Donc il est parfait, Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, wa huwa al-ma'bud, wa al-dalil qawluhu ta'ala, ya ayyuhan nas a'budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa'a bina'an wa anzala min as-samaa'i ma'an. Donc, le Cheikh, il explique ce verset-là. On va traduire, après on va l'expliquer. Wa huwa al-ma'bud. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Ma'bud. Al-Ma'bud, ça signifie la chose qui est adorée. Ce qui est adoré. Ok? Ma'bud, ça veut dire ce qui est adoré. Et le verset qu'il a cité, c'est le verset dans Surat Al-Baqarah, le verset 21, au début de la Surah. Qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Celui qui vous a créé et qui a créé ce qui était avant vous, pour que vous puissiez obtenir la piété, que vous puissiez obtenir, qu'est-ce qu'on appelle en arabe, al-taqwa. Al-taqwa, c'est-à-dire le fait de faire ce que Allah t'ordonne, hein, pour t'écarter, pour te protéger de son châtiment, et de t'éloigner de ce qu'il t'a interdit, également pour te protéger de son châtiment et pour obtenir son paradis. C'est ça al-taqwa. Et le cheikh il explique ça en disant ensuite, ah oui, à la fin, pour que vous puissiez obtenir la piété. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui a fait pour vous la terre comme un lit, et le ciel comme un toit, comme une construction, et qui a fait descendre sur la terre une eau pour vous, du ciel. Donc, le cheikh explique ça, il dit, تابع المؤلف الأدلة على أن مخلوقات الله سبحانه وتعالى دالة على وجوده كما أنها دالة على استحقاقه لأن يعبد وحده فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Donc le cheikh il dit que l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il continue à mentionner les preuves qui montrent que les créations d'Allah sont une preuve de son existence. Les créations d'Allah sont une preuve de son existence. Et qu'elle indique également qu'il est le seul qui mérite réellement d'être adoré. Et que rien ne mérite d'être adoré autre que lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le verset dans Surat Al-Baqarah, le verset 21. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient avant vous, pour que vous puissiez avoir la piété. Le cheikh, il fait le tafsir de ce verset-là maintenant. Il va faire l'explication de ce verset-là en détail. Donc il dit, فَالْنِدَاءُ هُنَا لِجَمِعِ النَّاسِ يَا أَيُّهَا النَّاسِ وَهُوَ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى شُمُولِ وَعُمُومِ رِسَالَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ صلى الله عليه وسلم. فيدخل في كلمة الناس كل من كان من هذا النوع من الأناس عربا وعجما ذكورا وإناثا كلهم مخاطبون لهذا الخطاب العام الشامل ليتوجهوا بجميع عباداتهم إلى الله وحده لا شريك له. الشيخ يكسليك يدي que l'appel, hein, l'appel ici. Allah il dit Ya ayyuhan nas. En arabe, quand il dit Ya, hein, c'est pour t'appelles quelqu'un. Hein, et donc, c'est un appel. Ya ayyuhan nas. C'est comme s'il disait Oh vous les gens. Hein, tu les appelles. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il s'adresse à l'humanité. Et il appelle les hommes. Oh vous les hommes. Hein, c'est comme ça. Donc, il dit donc à tous les êtres humains, Ya ayyuhan nas, et ça c'est la preuve que ça s'adresse à tout le monde. C'est pas juste à un peuple en particulier, parmi les peuples, comme juste pour les Arabes ou les non-Arabes ou des choses comme ça. Non, c'est pour tout le monde, tous les êtres humains, les Québécois, les Français, les Chinois, les Italiens, les Grecs, les Indiens, les Africains, les Latinos, peu importe quelle origine, quelle couleur, quelle langue, quelle ethnie, tout le monde sont mentionnés dans ce verset-là. Lorsque Allah il dit Ya ayyuhan nas, il appelle tout le monde, sans exception. Pas juste les Arabes, pas juste les gens qui sont des pays du tiers-monde, pas juste les gens qui sont des pays de l'Europe ou de l'Amérique, pas juste tous les êtres humains, sans exception. Hein? Cette religion-là, elle est universelle. Elle n'est pas juste pour un peuple ou pour une race ou pour une couleur ou pour une langue. Hein, pour tout le monde. Donc Allah, ça c'est la preuve, il dit à tout le monde Ya ayyuhan nas. Donc notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son message c'est pour tous les hommes. Et dans le terme homme, eh bien ça rentre arabe, non arabe, homme, femme, tous sont adressés dans cette parole là qui est générale et qui comprend tout le monde. Et il s'adresse yani à eux, لِيَتَوَجَّهُ بِجَمِعِ عِبَادَتِهِمْ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ. C'est-à-dire pour que tous les hommes, sans exception, adorent tous leur Seigneur en vouant à Allah seul, sans partenaire, toutes leurs adorations. Hein? C'est ça que ça veut dire. وَلَمَّا أَمَرَهُمْ بِالْعِبَادَةِ ذكر علة وجودها وعلة هذا التكليف وعلة هذا التكليف فقال الذي خلقكم والذين من قبلكم أي وخلق الذين من قبلكم فما أنتم إلا أمة من أمم قد خلت كما ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها أنتم خيرها وأكرمها على الله. Donc le chef il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux êtres humains d'adorer Allah, il mentionne la raison pour laquelle il rend cette obligation, cette adoration-là obligatoire, ou qu'est-ce qui fait que cette adoration-là est obligatoire pour eux. Eh bien, il leur mentionne les preuves, hein, une raison pourquoi c'est obligatoire. Parce que c'est lui qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient là avant vous. Et donc, le cheikh il dit, c'est-à-dire, il a créé ceux qui étaient là avant vous. Vous n'êtes qu'une nation parmi les nations qui ont vécu sur terre et qui sont passées maintenant. Hein? Et comme c'est mentionné dans la Sunna également, il y a un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, hein? Et qui est rapporté également par Ibn Majah et Ad-Darimi et Al-Hakim dans Al-Mustadrak, et avec une chaîne de transmission qui est authentique, qui dit vous valez 70 ummah, ou bien vous êtes vous venez compléter 70 nations. C'est ça. Vous venez compléter 70 nations. Et vous êtes la meilleure et la plus noble d'entre elles auprès d'Allah. Vous êtes la plus meilleure et la plus noble pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a eu avant nous 69 nations. 69 ummah. Quand on parle de nation, on ne parle pas de nation comme dans le sens des nations avec un drapeau aujourd'hui. Là. On parle des nations par rapport à un prophète, quelqu'un qui ont suivi un messager ou un prophète. Donc la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est depuis la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. C'est la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pas comme les gens pensent aujourd'hui de la nation. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit donc que vous êtes la meilleure d'entre elles et la plus noble auprès d'Allah. Ensuite, il dit ففي قوله الذي خلقكم بعد الأمر في عبادته وحده إيضاح وبيان أن الذي خلق ورزق هو الذي يستحق أن يعبد وحده وأن الذي لم يخلق شيئا ولم يرزق وليس بيده حياة ولا موت لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة أبدا. Donc le cheikh il dit que lorsque Allah dit celui qui vous a créé, hein, adorez votre Seigneur, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, le cheikh il dit, donc après avoir ordonné de l'adorer lui seul, il nous clarifie, il nous explique quelque chose maintenant. Il nous dit que celui qui nous a créés et qui nous a donné notre subsistance, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Hein? Lui seul qui mérite d'être adoré. Et que celui qui n'a rien créé, qui n'a rien donné comme subsistance et qui ne peut pas contrôler ni la vie ni la mort, il ne mérite rien de l'adoration et il ne mérite pas qu'on lui offre quoi que ce soit de l'adoration. كما قال تعالى أو كما فعل المشركون على اختلاف أنواعهم فاليهود عبدوا ثلاثة والنصارى كذلك والمشركون معبوداتهم لا تدخل تحت العد والحصر من الأشجار والأحجار والأخشاب المنحوتة والشمس والقمر والكواكب ذوات الأنواع والأشكال المختلفة بحسب الزمان والمكان وقد ذم الله عز وجل ذمهم الله عز وجل بقوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى سألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى لأنهم قالوا إن الله له البنات. Donc le cheikh explique que les mushrikoun, avec toutes les différentes catégories qu'ils représentent, les mushrikoun, c'est ceux qui font le shirk avec Allah, c'est-à-dire qui offrent à Allah des associés ou des partenaires, ils donnent à Allah des partenaires et des associés en offrant yani des adorations à des créatures au lieu d'adorer le créateur. Donc ces gens-là, on les appelle des mushrikoun parce qu'ils offrent à des créatures de l'adoration au lieu de l'offrir uniquement à Allah seul. Et parmi eux, il y a les juifs. Cheikh il dit, les juifs qui ont adoré trois, hein, et les chrétiens aussi. Ils adorent Uzair, ils adorent des yani, plein de choses en dehors d'Allah parmi les saints, des choses comme ça. Et les chrétiens, ils adorent Jésus, ils adorent Dieu. Ils disent qu'ils adorent Dieu, ils adorent Jésus. Et l'Esprit Saint, ils disent que les trois forment un. Sans oublier qu'ils adorent aussi Marie, qu'ils adorent les saints, hein, tous les saints qu'ils ont. Donc c'est la même chose. Tout ça, c'est du shirk. La différence entre les mushrikins juifs et chrétiens et les autres mushrikins, c'est que les mushrikins juifs et chrétiens, ils ont reçu un livre. Donc ils ont des liens en commun plus que les autres mushrikins qui n'ont pas reçu de livre. Parce que eux, ils connaissent les prophètes, ils connaissent Moussa, ils connaissent Ibrahim, ils connaissent Isa, ils connaissent d'autres. Tandis que les autres mushrikins, comme les hindous, les bouddhistes, et les animistes et autres, eux, ils ne connaissent pas nécessairement les prophètes, ils ne connaissent pas les livres. Donc, ils n'ont pas un lien aussi proche avec les musulmans que les autres. Il n'y en a que les chrétiens et les juifs. Donc ça c'est pourquoi on les appelle les gens du livre. Mais sinon les autres mushrikoun, eux, ils n'ont pas de limite dans qu'est-ce qu'ils adorent. Ils peuvent adorer des arbres, des pierres, du bois, des morceaux de bois gravés ou sculptés, le soleil, la lune, les étoiles, et toutes sortes d'autres choses, d'autres formes, selon l'époque et selon le lieu qu'ils inventent eux-mêmes. Et tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a blâmé. En disant, par exemple, dans Surat al-Najm, versets 19 à 22, avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzza et Manat, cette troisième autre? Est-ce que à vous appartiennent les mâles et à, est-ce que à vous appartiennent les mâles et à lui les femelles? C'est-à-dire, est-ce que vous attribuez vous-même à vous-même des garçons et à lui des filles, c'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala, voilà une distribution, une division étrange. Pourquoi? Parce qu'il disait que les filles, que Allah avait des filles. Les mushrikoune, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que Allah subhanahu wa ta'ala avait des filles, et que les anges c'était les filles d'Allah. Donc, eux-mêmes, ils refusaient de s'attribuer des filles. Quand ils apprenaient qu'ils avaient une fille qui venait de naître, c'était comme pour eux une honte. Hein? Ils l'enterraient vivant, hein? Dans le sable, hein? Parce qu'ils ils avaient honte de ça. Et donc, ils ne voulaient pas s'attribuer de fille, mais ils attribuaient à Allah subhanahu wa ta'ala des filles. Donc, c'est pour dire comment ils sont contradictoires. Hein? Et il dit, والبنات عند العرب مذمومات وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم لأنه يريد ذكرا يحمي الذمار ويحمل السلاح ويهزم الأعداء أما المرأة فهي عار وشرار عندهم أفضى بهم الأمر أنهم يقتلونها وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. Donc les filles chez les Arabes c'est quelque chose qui était mal vu, blâmé, hein? Et lorsque il mentionne le verset 58 de la sourate An-Nahl, dans lequel Allah mentionne hein, décrit l'état de, des Arabes quand ils, on leur apprenait qu'ils avaient une fille. Hein, et lorsqu'on leur annonce d'une fille, son visage devient sombre, hein, et noir, et il est comme Wahou Akari. Donc, ça c'est pour dire comment il se sentait à ce moment-là, comment il ressentait le fait d'avoir une fille. Il disait que le garçon, il peut nous protéger, il peut porter les armes, il peut attaquer les ennemis. Tandis que la fille, elle, eh bien, c'est une honte. Hein. Elle ne peut pas se défendre et elle ne peut rien faire. Donc, il la tuait, finalement. Ouais, certains d'entre elles, c'est sûr qu'ils étaient obligés d'en garder certains, certaines, sinon ils ne pouvaient pas se reproduire. Mais quand même, ils avaient honte d'avoir des filles, alors ils les tuaient. Et donc, il mentionne le verset dans Surat al-Takwir, versets 8 et 9. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. C'est-à-dire la fille qui est, qu'on a enterrée vivante, lorsqu'elle va être questionnée par Allah au jour de la résurrection, pour quel péché a-t-elle été tuée? Hein? Quel péché a-t-elle été tuée? Elle n'a rien fait de mal. La seule chose qu'elle a faite, c'est d'être une femme. Et ça, c'est même pas elle qui l'a choisie. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créée ainsi. Donc, de quel droit avait-il de la tuer? Hein? Donc, l'islam, on voit encore une fois un exemple ici de la miséricorde de l'islam. Comment l'islam a fait miséricorde à la femme. Alors qu'à l'époque, les gens n'avaient pas de respect. Yani. وذكرهم الله. Encore aujourd'hui, même en Chine aujourd'hui, il ne permet pas aux gens d'avoir plus un enfant par famille. Et quand c'est une fille, souvent ils sont débarrassés pour avoir un garçon. Et donc les orphelinats sont remplis de filles. فذكرهم الله تبارك وتعالى في ذلك. وذمهم فيما نسبوا إليه من البنات وذكر الخبر في قوله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. الشيخ المرسل في سورة الزخرف il dit, avant ça, il explique, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne cet exemple-là à leur sujet, et il les blâme d'avoir attribué des filles à Allah. Et il dit, dans verset 19, dans Surat al-Zukhruf, et ils ont donné aux anges, qui sont des serviteurs d'Allah, hein, sont des serviteurs d'Ar-Rahman, ils en ont fait des filles, ils en ont fait des femelles. Mais est-ce qu'ils ont été témoins de leur création? Est-ce qu'ils ont été témoins de la création des anges pour dire que ce sont des femelles? Hein? Ça, tout ça vous shahada, tout le monde, ils s'allument. C'est-à-dire, leur témoignage va être écrit et ils vont être questionnés là-dessus. Comment vous les avez appelés des filles? Vous avez dit que c'est des filles et que vous n'avez jamais eu aucune preuve que ce sont des filles. Hein? Comment vous pouvez les appeler des filles? Et وبخهم الله بقوله أم له البنات ولكم البنون. C'est-à-dire, est-ce que vous avez les filles, est-ce que lui, vous lui donnez les filles, à lui les filles et vous avez les garçons? Surat al-Tur, verset 39. Et dans Surat al-Safat, il dit وذمهم بقوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. Verset 158, en surat As-Saffat, Allah les a blâmés encore une fois en disant, et ils ont établi entre lui, c'est-à-dire entre Allah et les djinns, un lien de parenté. Est-ce qu'ils ont, et il dit, et les djinns savent très bien qu'ils vont être ramenés, hein, devant Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. Donc ils ne sont pas des, yani les djinns, ils n'ont pas de lien de parenté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc le Cheikh il dit, wal jinnah الملائكة والنسب هو قولهم إن الملائكة بنات الله، والله عز وجل يتنزه عن الصاحبة والولد، فهو الذي خلقه وهو الذي رزقه جميع مخلوقاته في عالم الأرض، في عالم الأرض وعالم السماء. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de lien de parenté avec aucune créature. Et il n'a pas de garçon, et il n'a pas de fille, et il n'a pas de femme, et il n'a pas de d'épouse, et il n'a pas d'enfant, et il n'est d'aucune sorte. Hein? Tout ce qu'il a, c'est sa création. C'est lui qui l'a créé. Hein? Donc il n'a pas de lien de parenté, ni avec les djinns, ni avec les anges, ni avec les êtres humains. Hein? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala se purifie de tout ce genre, de toutes ces choses-là. Et tout ce qui est dans le monde des cieux et sur la terre, c'est de sa création. ثم ذكر العلة بقوله لعلكم تتقون. لعلكم تتقون يعني الله بامتثال، يعني تتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولذلك أمركم بعبادته وذكركم بنعمه لكي تتقوا الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والقيام بطاعته وما دمتم في حياة العمل. شيخ الدي puis ensuite Allah a mentionné la raison pour laquelle il nous ordonne de l'adorer. C'est pour qu'on puisse avoir la piété, c'est-à-dire en faisant ce que Allah nous a ordonné et en nous écartant de ce qu'il nous a interdit, et il nous a, c'est pour ça qu'il nous a ordonné de l'adorer et qu'il nous a mentionné ses grâces pour qu'on puisse avoir at-taqwa, craindre Allah, en faisant ce qu'il nous ordonne et nous écarter de ce qu'il nous a interdit et d'établir son obéissance tant que nous sommes dans la vie de l'action. La vie de l'action. C'est-à-dire, la vie de l'action, c'est cette vie d'ici-bas. Parce que dans cette vie d'ici-bas, on est là, on est créé pour agir, faire des actions. Tandis que dans, après la mort, ce sera une autre sorte de vie. Hein? Et on n'aura pas d'action à faire. Soit qu'on sera au paradis ou en enfer. Donc, qu'Allah nous fasse rentrer au paradis et qu'il nous préserve de son enfer. Ensuite, le shaykh il dit, « Wazakarahumullah » عز وجل بشيء يعرفونه وهو الأرض وما فيها من المنافع المتنوعة وبسطها لهم من أجل أن ينتشر الناس عليها ويقضوا حاجتهم بيسر وسهولة وأنزل من السماء ماء هو سبب الرزق كما في قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. Donc là c'est qu'est-ce qui conclut donc le cours d'aujourd'hui. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il leur a mentionné par des choses qu'ils connaissent. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur mentionne des choses qu'ils connaissent, comme la terre. On connaît la terre et on connaît les bienfaits qu'il y a sur la terre. C'est ça qu'il dit, الذي جعل لكم الأرض فراشا. La terre, c'est une des grâces que Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. Et il l'a étendue pour nous, pour que les hommes puissent se propager sur la terre et se disperser sur la terre. Hein, et que malgré qu'aujourd'hui on est comme 1 milliard d'êtres humains sur la terre, hein, 7 milliards, eh bien il y a encore plein d'espace vide dessus. Et si on devait savoir combien. Ben, juste au Canada, ils ont dit que la densité de la population, ça veut dire le nombre d'habitants par kilomètre carré. Le nombre d'habitants par kilomètre carré au Canada, c'est de 5. Alors, quand j'étais plus jeune, je me rappelle, au primaire, c'était 2 habitants par kilomètre carré. Maintenant, c'est 5 habitants par kilomètre carré. Et en France, c'est 95 habitants par kilomètre carré. Donc ça vous dit la différence de densité de population le pays est grand et il n'y a pas beaucoup d'habitants. Il y a la majorité du Canada qui est pas peuplé. Il y a rien, il y a personne. Il y a le pôle nord là, ou le nord, c'est sûr, il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent là-bas. Mais c'est pour dire que si on devait trouver des endroits à vivre sur la terre, et qu'on devait mettre des gens quelque part, il y a plein de place pour les êtres humains. Hein? Donc, étant donné que tout le monde se retrouve tous dans les villes, hein? Mais comme par exemple la ville de New York, il y a plus d'habitants juste à New York que dans le Canada au complet. Donc ça, c'est pour montrer que des fois, les gens, ils aiment pas se rencontrer et vivre ensemble tous à la même place avec tous les problèmes que ça peut poser. Voilà. Donc, c'est ça. Il a donné aux hommes par la suite, donc, il a étendu la terre pour qu'ils puissent se propager et il a rempli leurs besoins. Hein, ils peuvent remplir leurs besoins facilement, avec facilité. Et il a fait descendre pour nous du ciel une eau. Et cette eau-là, c'est une des causes de notre subsistance. Parce que, avec l'eau qui tombe du ciel, qui va dans la terre, eh bien, notre plantation a fait pousser des fruits, des légumes, les animaux mangent de ça, les êtres humains mangent de ça, et les êtres humains mangent les légumes et les fruits et les animaux, hein, et ainsi de suite. Tout ça, c'est par la grâce d'Allah, et, كما في قوله أو كما في قول الله وفي السماء رزقكم وما توعدون هذا إيه يعني du ciel يعني dans le ciel il y a votre risque hein, et ce que vous avez été promis. Donc c'est pour dire que yani, tout ça ça vient d'Allah. Des fois on est tellement habitué d'aller au magasin, on achète ce qu'on a besoin, on oublie d'où ça vient. On pense que ça vient du supermarché. Alors que ça vient d'ailleurs. Hein. Si c'est du poisson, il fallait aller le pêcher. Si c'est des animaux, il fallait aller le prendre, l'étourger, le couper, puis l'amener là-bas. Tout ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, nous, on voit pas parce que on est trop occupé de ces choses-là, la réalité. Hein. On voit juste le produit fini. Fini, emballé dans un papier plastique et tout prêt à manger ou à percer. Donc, ça. Donc, tout ça, c'est pour nous faire réfléchir aux grâces d'Allah et au bien qu'il nous donne et d'être, pour nous aider à être, nous appeler à être reconnaissants envers lui. Donc, ça vient compléter le cours d'aujourd'hui. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. On va continuer, Inch'Allah, la semaine prochaine. C'est possible que, je ne sais pas, mais j'ai pensé à ça, je me dis peut-être qu'au lieu de faire deux jours le même cours, de faire un jour un cours, puis le samedi un cours, puis le dimanche un autre. Comme ça fait de la diversité, ça fait un changement. Et puis en même temps, c'est bénéfique. Donc, je pense que je vais faire ça. Parce que des fois, quand on fait les deux jours le même livre, c'est sûr que ça nous permet d'avancer plus rapidement. Mais en même temps, il y a beaucoup de bien du fait de pouvoir avoir deux sujets, puisque on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir apprendre des choses différentes. Donc, je pense que c'est bien. Peut-être qu'à partir de la semaine prochaine, on va faire un sujet le samedi et un autre le dimanche. Hein? Inch'Allah. Très, Inch'Allah. Donc, ça va juste prendre plus de temps pour finir un livre, mais au moins, on va avoir plus de diversité. Amen. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.